Je me prénomme Jean-Noël Oumo, je suis reporter photographe pour le magazine Point Afrique. Alors, la francophonie pour moi, si j'en tiens la définition, c'est des pays qui partagent la langue française en commun. La francophonie, c'est ces pays qui ont été généralement colonisés par des Français et puis qui ont opté pour leur langue nationale, le français. La francophonie pour moi c'est ce pays qui partage le français en commun comme vient de dire. Donc je ne sais pas si on définit ça en dehors de ça en ce qui concerne la francophonie. Donc ce que c'est la francophonie, que c'est des pays qui parlent langue française en commun. Être au sommet de la francophonie au Québec, qu'est-ce que ça représente? Être au sommet de la francophonie au Québec, je suis là déjà pour mon travail qui consiste à la prise des images. Et je suis là pour faire mon travail, rencontrer des confrères, faire de nouveaux contacts avec des nouvelles personnes que je ne connaissais pas auparavant, que je peux rencontrer à tout hasard ici. Donc vous êtes content et fier d'être là? Je suis content et fier d'être là. Ben, le petit souci que j'ai pour ces pays francophones africains, c'est le fait de traîner des délégations qui n'ont rien à foutre dans des pays généralement qui organisent le sommet. Ils font des voies touristiques au lieu de venir vraiment pour des causes bien déterminées parce que à la fin on a des concrets quand même dans leur valise comme expérience, comme quelque chose de concret qui ramène dans le pays généralement à la fin de la francophonie. Donc c'est du bonnet blanc blanc bonnet de chaque année, de même chose commence et puis on n'a pas rien de concret en tout cas.